Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Jamais ma main ne signera ce décret. Je repousserai jusqu'à la mort ce drapeau de sang. Et vous devez le répudier plus que moi, car le drapeau rouge que vous rapportez n'a jamais fait que le tour du Champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et en 93, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. C'est Lamartine qui parle, depuis l'Hôtel de Ville, un discours d'avril 1848, resté célèbre dans l'histoire de la Révolution de 48. Le drapeau de la République, c'est justement le titre de ce programme radiophonique diffusé sur France Culture en 1969, un programme qui raconte en filigrane la fin de la vie de Lamartine, dont le destin est indissociable de celui de l'histoire du drapeau français, et dont la vie s'achève peu après cette révolution de 1848, que je vous propose de redécouvrir maintenant. France Culture présente le drapeau de la République. Alphonse de Lamartine en 1848, par Denise Santor, avec Jean-Jacques Aslanian, Guy Bousquet, Jean Brassat, Jacques Bretonnière, Pierre Constant, Pierre Delbon, Jacques Fayet, Françoise Fechter, Gaëtan Jor, Jean-Pierre Lituac, Philippe Moreau, Dominique Morin, Robert Parti, Jean Péméja, Jean-Jacques Stein, et le concours des élèves du Centre dramatique de la Rue Blanche. Avec Bernadette Lange, la récitante, et Jean Topard, Alphonse de Lamartine. Réalisation, Alain Barou. Donc, le 24 février 1848, le roi Louis-Philippe se décide à abdiquer en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, âgé de 10 ans. Au moment où il va passer le seuil de son appartement, Émile de Girardin, directeur du journal La Presse, saisit le roi par le bras et lui dit « Sire, il s'agit bien de la régence de Madame la Duchesse d'Orléans. »« La loi, » répond le roi, a donné la régence au duc de Nemours. Il ne m'appartient pas de modifier la loi. La nation décidera. Le roi vient de dissoudre la chambre, qui donc, dans son esprit, se chargera d'en appeler à la nation. Les insurgés ayant tiré sur les voitures du roi au moment où elles sortaient des écuries, le roi, la reine Marie-Amélie et les princesses sont forcés de traverser à pied le jardin des Tuileries, comme Louis XVI et Marie-Antoinette au 10 août. Nemours, qui a présidé au départ sur la place de la Concorde, dans des petites voitures récupérées aux écuries royales et que la foule prend pour des fiacres, rejoint sa belle-sœur Hélène et lui conseille de se réfugier au Mont-Valérien, l'un des fameux forts dont le roi, à la grande colère de l'opposition, a crénelé Paris et qui n'ont pas le moins du monde servi à la défense du trône. Mais Hélène, d'esprit libéral, préfère suivre les avis d'un groupe de députés qui lui conseille d'affronter l'émeute et de se présenter avec ses enfants devant la Chambre des députés. Tous les ministres ont précipitamment déménagé, les insurgés occupent peu à peu tous les bâtiments publics. L'invasion des Tuileries ne va pas tarder. Lamartine, malade, est dans son lit. Des amis viennent l'avertir que l'on craint l'irruption des insurgés dans la Chambre des députés. Il se lève, s'habille et se met en route vers le Palais Bourbon, à travers le Faubourg Saint-Germain, désert et tranquille. Le ciel bas et sombre, percé de temps en temps d'un éclair du soleil d'hiver, ressemblait à la fortune du jour. Il était indécis et orageux. Sous le péristyle de la Chambre des députés, Lamartine voit deux généraux à cheval, tout tachés de boue, le visage échauffé par la course, et qui s'entretiennent à voix haute. Eh bien, général, quelle nouvelle de votre côté ? Rien de grave. Les groupes sur la place de la Concorde sont peu nombreux et fléchissent aux moindres ébranlements de mes escadrons. D'ailleurs, les meilleures troupes de l'Europe ne forceraient pas le pont. Lamartine entre. Dans le vestibule, un groupe se détache, vient vers lui. Monsieur Lamartine. Monsieur. Nous vous attendions. Pouvez-vous nous accorder un instant d'entretien ? Monsieur Armand Marast, il me semble. Lui-même. Passons dans ce bureau, je vous en prie. Nous avons à vous parler. À quel sujet ? Nous allons vous le dire. Messieurs, je ne crois pas avoir l'honneur de... Mon collaborateur et ami, Bastide. C'est une signature que je connais. Mon ami Hetzel, que vous connaissez aussi, certainement. Qui ne connaît M. Hetzel ? Je suppose qu'il s'agit de l'éditeur. Un éditeur, M. de Lamartine, qui regrettera toute sa vie n'avoir pas eu la gloire d'éditer l'histoire des Girondes. Vous m'envoyez flatter ? Faut-il vous présenter notre ami Bocage ? Non, certes non, j'avais bien reconnu M. Bocage, dont j'ai applaudi le beau talent dans Marion de l'Orme. M. de Lamartine, vous connaissiez le comédien sous le costume de Didier. Vous voyez maintenant le républicain. Tous deux profondément admirateurs de votre génie, comme poète et comme orateur. Mais nous n'avons jamais douté, messieurs, de nos talents et de nos mérites réciproques. Vous avez un peu trop loué le poète et l'orateur dans le National, monsieur Marast, au détriment de l'homme politique. Mais c'était de bonne guerre, nous ne combattons pas sous le même drapeau. Monsieur de Lamartine, nous ne méconnaissons pas l'homme politique. Nous sommes ici pour vous en apporter la preuve. Vous savez où nous en sommes ce matin ? Oh, très vaguement, je suis malade depuis hier soir. La fusillade du boulevard des Capucines m'a douloureusement affecté. J'étais au lit, des amis sont venus m'avertir en hâte qu'on redoutait une invasion de la chambre. Je me suis levé, je suis venu. Je n'ai encore vu personne. Que se passe-t-il ? Louis-Philippe a abdiqué. De toute manière, c'est fini pour Louis-Philippe. La République, voilà la question. Eh bien oui. Monsieur de Lamartine, vous avez immédiatement saisi le fond de notre pensée. Et qu'attendez-vous de moi ? La France est-elle mûre pour la République ? La France, qui, vous l'avez admirablement dit et répété, s'ennuie, s'attriste, se méprise depuis si longtemps, aura-t-elle le courage d'accepter la République ? Tout dépend de la République, monsieur Hetzel. On ne fait pas une République sans républicains. On crie partout, à part Louis-Philippe, déchéance, à Baguizo, vive la réforme. Mais il faut l'avouer, on crie très peu, vive la République, très peu. On crie beaucoup plus, vive Lamartine. Votre nom est prononcé partout. Nous nous inclinons devant l'évidence, monsieur de Lamartine. Vous êtes l'homme de la situation. D'ailleurs, le voudrions-nous, nous n'avons personne à vous opposer. Nous avons l'émeute, et peut-être pas pour longtemps. Nous n'avons pas le gouvernement. Le gouvernement, ce soir, c'est Lamartine. Croyez-vous ? Nous le croyons, et nous l'espérons. D'ici une heure, la duchesse d'Orléans va se présenter devant la chambre avec ses enfants. Votre collègue, Crémieux, qui n'a pas quitté le château ce matin, va lui souffler quelques mots émouvants. Nemours sera là. Il ne dira rien, comme d'habitude. Mais tout cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que vous direz. Et nous savons ce que vous direz. Il y a 6 ans, au moment du débat sur la régence, vous avez plaidé la cause de la princesse Hélène. Vous n'avez jamais varié dans vos opinions, monsieur de Lamartine. C'est ce que nous estimons en vous. Nous n'attendons donc pas un désaveu de Lamartine par Lamartine. Vous parlerez en faveur de la duchesse d'Orléans et vous ferez proclamer la régence. Nous vous disons pourquoi pas. C'est une transition. Oui, monsieur de Lamartine, c'est à l'auteur des Girondins que nous nous adressons. Nous attendons votre réponse. Nous l'attendons avec angoisse. Le peuple est debout, il est armé, il s'empare de tout. Il est travaillé par des mouvements qui peuvent nous échapper d'un moment à l'autre. S'il n'y a pas de gouvernement ce soir, c'est l'anarchie. C'est Paris, à feu et à sang. Messieurs, je vous remercie de ce très haut témoignage d'estime. Avant de vous répondre, je vous demande quelques instants de réflexion. Bocage dira à Victor Hugo, « Nous écoutions passer l'histoire. » La tête dans ses mains, Lamartine réfléchit longuement, puis se lève. Messieurs, je combattrai la régence. Mais alors... Je ne suis pas républicain, mais je suis politique. Je constate et je conclus. La régence de la duchesse d'Orléans n'est pas viable. C'est une femme admirable, sa personne n'est pas en cause, mais elle aura contre elle les légitimistes, les socialistes, les sociétés secrètes révolutionnaires, les communistes et vraisemblablement les catholiques. La grande propriété conspirera en faveur d'Henri V, les bonapartistes en faveur de Louis-Napoléon Bonaparte, le peuple pour l'expropriation des riches et les riches pour leurs bénéfices personnels. Mon gouvernement dans la régence serait lui-même une conspiration en faveur de la République. Nous venons d'avoir un 10 août. Nous allons au massacre de septembre si la régence est proclamée. Ai-je le droit de devenir le premier ministre d'une femme et d'un enfant que je ne pourrais pas sauver ? Non. La régence appartient au passé, messieurs. Je ne conspire pas, je ne renverse pas. Je ne désire pas l'écroulement d'un règne. Mais si le règne s'écroule de lui-même, je ne tenterai pas de le relever. Le destin n'a jamais tort, c'est Dieu qui le fait. Je n'entre que dans un mouvement complet. C'est-à-dire la République. Mais vous croyez qu'actuellement... Actuellement, la République n'est pas une opinion, c'est une nécessité. Et vous accepteriez d'entrer dans un gouvernement républicain ? Oui, s'il s'agit vraiment de la République. Si cette République est réellement la chose de tous, res publica. Voilà ma réponse, messieurs. Mes amis, Lamartine a raison. Il voit plus clair que nous. Il faut le suivre. Vous n'êtes pas républicain, monsieur de Lamartine. Mais il faut l'avouer, votre foi surpasse la nôtre. Faites ce que les circonstances vous inspireront. Je combattrai la régence. Assis à son banc, tout seul, Lamartine, sa longue et pâle figure qui tient du lévrier et du cheval, penchée sur le haut col de sa redingote noire étroitement boutonnée, songe silencieusement. Il est en proie à la plus violente tentation de sa vie. Je combattrai la régence. Il a parlé à Marast et à ses amis selon sa raison, selon sa justesse d'esprit, mais contre son cœur. Et son cœur, maintenant, proteste violemment. Son cœur qui est toujours jeune, malgré ses 57 ans. Combattre une femme et des enfants. Une veuve et des orphelins. Hélène et le comte de Paris, idole de Paris ce soir, pourquoi pas ? Il suffit d'un discours de Lamartine. Levez-vous ! Vous êtes la veuve de ce duc d'Orléans dont le peuple a couronné en vous le souvenir. Vous êtes des enfants privés de ce père et adoptés par la nation. Vous êtes les innocents et les victimes des fautes du trône dans une révolution. Cette révolution est juste. Elle est généreuse. Elle est française. Elle ne combat pas les femmes et les enfants. Elle n'hérite pas des veuves et des orphelins. Elle ne dépouille pas ses prisonniers et ses hôtes. Allez régner. Elle vous rend par compassion le trône perdu par des fautes dont vous n'êtes que les victimes. Les ministres de votre aïeul ont dilapidé votre héritage. Le peuple vous le rend. Il vous adopte. Il sera votre aïeul lui-même. Vous n'aviez qu'un prince pour tuteur. Vous aurez une mère et une nation. Corrigé 93, prononcé le discours que la veuve et les orphelins de Louis XVI ont attendu dans l'ombre glacée du temple. Corrigé 1830, prononcé le discours que la veuve et les orphelins du duc de Berry attendaient à Saint-Cloud. Quelle tentation pour un historien. Libérer enfin le lait de la tendresse humaine, dont depuis 50 ans les révolutions ont farouchement sevré l'histoire. Quelle tentation pour un grand cœur. La chambre se serait levée en masse à ces paroles, relevées par la vue, par les larmes, par les mots entrecoupés de la duchesse, par l'enfant élevé sur les bras de sa mère et apporté sur la tribune. Lamartine aurait entraîné l'assemblée et quelques gardes nationaux présents au palais à la suite de la princesse sur la plateforme du péristyle. Et de là, il aurait montré la veuve et l'enfant au peuple indécis, aux troupes fidèles. Les acclamations étaient certaines. Ce cortège grossi de torrents de gardes nationaux et de peuple dans sa marche ramenait la duchesse et ses enfants aux Tuileries. Il proclamait la régence. Quelle péripétie! Quel dénouement! Quel triomphe du cœur sur la raison, de la nature sur la politique! Oui, c'est le coup d'état d'un poète, le roman de l'histoire, renfermant un rêve d'amour. Il y a beaucoup du rêve de la France dans la tentation de Lamartine. Beaucoup de l'âme française, trop rabâcheuse du passé pour bien mesurer ce qu'elle est en train d'accomplir dans le présent. Mais le présent, c'est... La révolution sanglante n'est pas finie. Elle commence, insatiable, convulsive. C'est une émeute dont le fer de lance est forgé dans la masse de 20 000 prolétaires sans travail. Soldés, encadrés, disciplinés. Venus depuis plusieurs jours d'Amiens, de Rouen, de Beauvais, comme aux dissous les Marseillais, les Brestois, chantant comme eux un nouveau chant de guerre, manipulés comme eux par des comités révolutionnaires insaisissables. Eux aussi, ils sont en proie aux rêves. Le rêve de la justice sociale, jusqu'ici, refusé. La dernière tentative monarchique, la monarchie citoyenne, cet amalgame de royauté bâtarde et d'insurrection avortée vient de se fracturer sous le choc de vérités élémentaires. Louis XIV, reparaissant sous Louis-Philippe à propos du mariage de Montpensier avec une infante d'Espagne, la France de 93 portant des toasts jacobins au cours de 100 banquets patriotiques. La France s'est retrouvée en deux morceaux. Le roi est tombé au milieu. Rien ne peut plus combler l'abîme sur lequel la France vogue comme un vaisseau désemparé, fouetté d'écume au milieu des épaves. Rien, sauf la République, chose de tous à imposer à tous. Poète, vous l'avez écrit. Voyant dans sa pensée un rivage surgir, il descend sur le pont où l'équipage roule, met la main au cordage et lutte avec la houle. Il faut se séparer pour penser de la foule et s'y confondre pour agir. Voilà la foule. Allons, au pouvoir, l'imagination. Poussée, bousculée, menacée, séparée violemment, la duchesse d'Orléans, ses enfants, le duc de Nemours, la petite escorte des fidèles, viennent d'être submergés sous le torrent révolutionnaire qui fait irruption par toutes les issues du palais Bourbon. Le président Sauzet a disparu. Lamartine est à la tribune. On le vise du haut des tribunes du public. Des mains l'agrippent. Lamartine réclamait, après le Drurelin, la constitution d'un gouvernement provisoire au moment où le peuple a fait irruption. Effacez-vous, monsieur de Lamartine. On vous vise de là-haut. Il vise mal, il va me manquer. Nom de Dieu, Lamartine! Effacez-vous, il va tirer! S'il me tue, je mourrai à mon poste. tirez sur Lamartine ! Misérable ! C'est pas le président Tocco ! C'est Lamartine ! La Régence aussi ! Le président aussi ! C'est Lamartine ! Faites attention, c'est Lamartine ! L'auteur des Girondins, Lamartine, les Girondins. Vive la Montagne, on va monter vous faire taire. Vive la République, vive la Martine, vive la Martine, vive la Martine, vive la Martine. Sortez les gens là. Vous, vous êtes gens, on dit. Vous avez entendu? Faites-moi un peu de place, je ne peux plus bouger. La Martine ! La Martine au côté ! La Martine président ! La Martine président ! La Martine président ! La Martine président ! Oui, ils ont raison ! Montez donc au fauteuil, on vous verra mieux ! Non ! Non, non, non, je serai trop loin de la foule. Non, je reste là. Et faites-moi de la place ! Je ne veux pas quitter la tribune. Si elle est envahie, il n'y a plus rien de possible. Et il faut en finir. Il faut un président, il faut mettre de l'ordre. On ne s'entend plus. Non ! Non ! Non ! Messieurs, je refuse ! Mais voyons. Non, monsieur Crémieux, je refuse. Il faut donner la présidence à mon vieil ami Dupont de l'Eure. Il est toujours à son banc. Il a été au Conseil des 500. Il a l'habitude des assemblées révolutionnaires. Sans doute, mais... Que quelqu'un ! Tenez, tenez, vous, vous, jeune homme. Oui, monsieur de Lamartine. Allez chercher monsieur Dupont de l'Eure. Là, ce vieillard à cheveux blancs, vous voyez? Tout petit, avec une cravate noire. Oui, c'est ça, allez le chercher, bien. Avec vos amis. Et dites-lui que je lui demande de monter au fauteuil. Et s'il ne veut pas, emmenez-le de force. Allez-y à deux ou trois. Oui, monsieur de Lamartine. Allez, venez avec moi, venez avec moi. Dupont de l'Eure, mais il a 90 ans. 82, et c'est une grande figure. Il faut l'avoir avec nous, monsieur Le Drurolin. Oh. La République a besoin d'acquérir un peu de dignité. Citoyens, voici le président de l'Assemblée, le vénérable Dupont de l'Eure. Oh. Garnier Pagès, on l'entendrait, jusque sur la place de la Concorde, tandis que ce pauvre Dupont, il n'a plus de souffle. Je vous remercie, mon cher collègue. Tant que j'aurai des forces, je vous aiderai, Lamartine. Citoyens, messieurs, la séance reprend. Nous allons former le gouvernement provisoire. Dupont de l'Eure le proclamera. Aucun de nous ne peut proclamer le gouvernement. Nous en ferons tous partie. Et nous ne pouvons pas nous proclamer nous-mêmes. Mais non, mon cher, cela ne se fait pas. Dupont de l'Eure, annoncez la formation du gouvernement provisoire. Le quoi? Le gouvernement provisoire. Ah, parfait, très bien. Citoyens, messieurs, nous allons voter par acclamation pour désigner le gouvernement provisoire que vous réclamez et que la France attend. Alors, citoyens, silence. Respectez la liberté de cette assemblée. Inscrivez les noms, faites des listes. Apportez-les au bureau. Le scrutin, c'est... Un vote, un scrutin, si l'on veut. Mais les hauts députés encore assis sur les bancs, la gauche et quelques légitimistes, les combattants de l'insurrection avec armes et drapeaux font cohue et tumulte. Une grappe criante et gesticulante, apportant et brandissant des bouts de papier, s'agglutine comme un essaim autour de la tribune, où Lamartine, dominant tout le monde de sa haute taille, de son geste autoritaire, cueille au vol les papiers, les corrige, les déchire. Garnier Pagès. Garnier Pagès, majorité, mais qu'est-ce que vous m'apportez? Encore une autre liste? Je n'en ai pas besoin. Arago. Oh Arago, unanimité. Oh et non oh Non, je vous répète que je ne veux pas de cette liste. Ne perdons pas de temps. Grémieux. Oh Grémieux. Autour de Lamartine, toujours à la tribune, les futurs membres du gouvernement provisoire, et encore plus aléatoires, sont déjà groupés. Les jeunes, Ledru Rollin et Garnier Pagès, qui, sitôt entendu son nom, s'éclipsera, pour courir se proclamer lui-même maire de Paris du droit de sa prévoyance, comme l'écrira Lamartine. Ledru Rollin, joufflu, coloré, une barbe en collier, un port de tête à la Danton, très tribun révolutionnaire. Garnier Pagès, chétif et maigre, un visage doux et souffrant, des longs cheveux gris. Le solennel Marie-Pierre Thomas Amable de Saint-Georges, dit Marie. Adolphe Isaac Crémieux, tout remuant, espèce de vieux lutin de prétoire au visage lunaire, surmonté d'une chevelure crépue et broussailleuse. Arago, le savant, belle tête méridionale, cheveux blancs épais, masque buriné et grave. Maintenant, voilà assez, la liste est faite. Dupont de l'Eure, voilà le gouvernement, proclamez-le! Dressé sur la pointe des pieds, il passe au petit vieillard impassible, mais violemment ému, un morceau de papier. Geste historique dont plus tard, Lamartine revendiquera toute la responsabilité. Citoyens, je vais avoir l'honneur de vous faire connaître le résultat du vote. Président Dupont de l'Eure. Mais où aller? À la présidence de la Chambre? À l'hôtel de ville, en cortège. Allez chercher le président et aidez-le à marcher. Et tandis que dans une cohue dans laquelle Lamartine a plongé tête baissée, le gouvernement provisoire dispersé, qui se cherche et se regroupe avec peine, quitte le palais Bourbon et prend le chemin du Quai d'Orsay, le maréchal Bugeaud, qui s'apprêtait à venir siéger à son poste de député en vêtements civils, rencontre, rue de Bourgogne, un groupe de gardes nationaux perplexes. Le reprend en main, s'adjoint le général Oudinot, rencontré par hasard, s'arme d'un fusil et se met en route pour venir protéger la régente. Se précipite dans le palais Bourbon, se heurte à une quinzaine de députés hagards qui lui crient « Monsieur le maréchal, tout est fini. » « Oui, tout est fini. » »« La République est proclamée. » « Oui, tout est fini. La République est proclamée. » Ce qui n'est pas encore vrai. Il est 3h30. L'hôtel de ville. Lamartine écrit. Une telle forêt d'acier bruissait sur les marches dans la cour intérieure que les membres du gouvernement ne purent s'y faire jour malgré la longue lutte qui s'y établit entre les deux torrents contraires de ceux qui entraient et de ceux qui résistaient à leur poids. Une ondulation invincible les rejeta avec leur suite de gardes nationaux et de citoyens vers une porte plus rapprochée du fleuve et les engouffra dans une cour basse, encombrée de chevaux, abandonnés par leurs cavaliers morts, de blessés et de cadavres les pieds dans le sang. La foule qui remplissait déjà cette cour, celle qui les suivait, Les trépignements et les hennissements des chevaux rompant leurs brides et se cabrant d'effroi. Les coups de feu partant de la place et des galeries supérieures. L'entassement et le fourmillement de milliers d'hommes sur l'escalier retinrent longtemps les députés séparés les uns des autres et comme ensevelis dans cette fournaise de la Révolution. À la fin, après des efforts surhumains, des foules qui les submergeaient, les renversaient, les foulaient, les relevaient, les portaient en avant, les reportaient en arrière, comme des naufragés sur la barre d'un écueil, ils arrivèrent dans les longs corridors du premier étage qui desservent cet immense palais. Le torrent d'hommes armés qui le remplissait pour être plus resserré dans l'intérieur n'en était que plus impétueux. Dans l'impossibilité de se rejoindre et de s'entendre, Dupont de l'Eure, Arago, Ledru-Rollin et leurs collègues entrèrent vainement tour à tour dans des salles et dans des chambres inconnues. Toutes étaient également encombrées de peuples, de blessés expirant sur la paille, d'orateurs montés sur les meubles ou sur les rebords des fenêtres, gesticulant avec fureur, montrant le sang à leurs souliers et hurlant d'émotion de combat. D'extermination. Toute réunion des députés avec leurs collègues, tout silence, tout isolement, toute délibération collective et par conséquent toute action était impossible. Heureusement, il surgit tout à coup un personnage grand et vigoureux, un employé de la préfecture abandonné par Rambuteau, un nommé Flottard, qui prend Lamartine par le bras et l'entraîne, suivi de ses collègues, au fond des appartements du préfet de la Seine, les pousse dans un réduit inoccupé, précédé d'un étroit corridor, où l'escorte s'entasse. C'est à ce moment, dans ce coin perdu de l'hôtel de ville, que commence vraiment la bataille de 60 heures livrée par le gouvernement provisoire. Prenez donc la marine, Arago. Oui, très bien. Je prends la justice. Affaires étrangères, Lamartine. Marine, Arago. Justice. Mieux. Ledru-Rollin, intérieur. Travaux publics. Très important, les travaux publics. Bon, je les prends. Travaux publics, Marie. Les finances. Guccio, le banquier. Je ne le connais pas. Finances, Guccio. Aïe. La guerre. Tous les chefs du corps d'armée sont compromis dans la répression de l'insurrection. Bedeau, peut-être. Et pourquoi pas la Mauricière? Pour ma politique étrangère, il me faut quelqu'un de sûr à la guerre. Proposons donc le portefeuille de la guerre au général Subervie. Ah ben, ça fait deux ministères à Lamartine. C'est une vieille tige, ce Subervie. Mais non! Il faut l'envoyer chercher. Et nous avons besoin d'aide de camp. Et où les prendre? Bon, puisque Lamartine y tient. Mais je vous ferai remarquer, Lamartine, que la guerre et la marine... Subervie, provisoirement. Comme tout le reste. Éducation publique et culte. Carnot ? Bien. Carnot. Commerce et agriculture. Si on demandait à Bêtement... Un des jeunes gardes du corps volontaire et spontané du gouvernement provisoire, sur lequel il est tombé à peu près par hasard, un beau polytechnicien passablement fripé et poussiéreux, contemple et écoute. C'est donc comme ça qu'on fait un gouvernement. Les assistants qui se pressent de plus en plus nombreux autour de la table du conseil couvrent les têtes des membres du gouvernement d'une sorte de dais de fusils et de baïonnettes. Oh, le pressez pas comme ça, ce pauvre cher monsieur Dupont. Là, vous lui tombez presque sur le dos, vous, avec votre fusil. Cette vieille ouvrière attentive, une de ces femmes du peuple de Paris, habituée à venir soigner les blessés des émeutes, s'est instituée spontanément la garde malade du président. Tout le monde s'imagine qu'elle est à son service. On nomme aussi des secrétaires. Maraste, Louis Blanc, Albert, Flocon. Deux d'entre eux seulement sont présents et s'approchent silencieusement de la table, où ils prennent place. Parmi ceux qui se tiennent autour de la table comme des gens qui attendent une destination ou une mission, une figure grave de vieux savants soucieux et attentifs. C'est le docteur Buchez, l'auteur de la monumentale « Histoire parlementaire de la Révolution française », que les socialistes considèrent comme un catholique et que les catholiques considèrent comme un socialiste. Mais le polytechnicien ne voit que Lamartine, l'idole de la jeunesse. Oui, c'est une idée. Mon ami, mais oui, vous, le polytechnicien, venez par ici. Monsieur le ministre. Nous avons aperçu beaucoup de vos camarades ici. Est-ce que vous pourriez les rejoindre et leur demander s'ils seraient disposés à nous servir d'aide de camp? Nous aurons à communiquer entre nous. Il nous faut des gens très sûrs et qui ne risquent pas d'être arrêtés dans les rues. Avec votre uniforme, vous passez partout. Parfaitement, monsieur le ministre. Comment vous nommez-vous? Et nous allons vous signer un ordre de mission pour vous et une vingtaine de vos camarades, dont vous allez donner les noms à monsieur là-bas, à cette petite table. Charles de Fraissinet, monsieur le ministre. Mettez en tête de la liste aide de camp du gouvernement. Ça vous servira de laisser passer. De Fraissinet, Lefrançois, Dolizy, Bobby... Mais pas si vite, je ne peux pas suivre. Mais pourquoi tremblez-vous comme ça? Donnez-moi ce papier, je vais faire la liste moi-même. Ce laisser-passer que Fraissinet gardera dans sa poche est le premier document émanant du gouvernement provisoire. Avez-vous remarqué s'il existe encore beaucoup de barricades de nature à entraver la circulation? Le gouvernement est constitué, il faut que Paris reprenne sa vie normale. Il faut que les voitures des maraîchers et des laitiers puissent circuler. Les voitures du gouvernement, les ambulances. Chargez-vous de ça avec vos camarades. Nous comptons sur vous. Oui, monsieur le ministre, nous allons nous en occuper. À moi, Polytechnique, mission pour le gouvernement. Mais où il est? Où il est? Ils vont me tuer, mon pauvre monsieur le président. Laissez-moi passer. Ouvrez la porte. Je vais leur parler. Eh bien, quoi? Comme voulez-vous, citoyen? Il faut rejoindre le peuple à la salle Saint-Jean. Il veut que vous veniez lui parler. La salle Saint-Jean, faiblement éclairée, est pleine de monde, de fumée, de poussière. Au pied de la tribune, des journalistes prennent toute la discussion sténographique. On voit dans la pénombre luire des sabres, des baïonnettes, des canons de fusil. De quel droit nous nous érigeons en gouvernement? Du droit du sang qui coule, de l'incendie qui dévore vos édifices, de la nation sans chef, du peuple sans guide, sans ordre, et demain peut-être sans pain. Du droit des plus dévoués et des plus courageux citoyens, puisqu'il faut vous le dire. Du droit de ceux qui livrent les premiers leurs âmes aux soupçons, leur sang à l'échafaud, leur tête à la vengeance des peuples ou des rois pour sauver leur nation. Nous l'enviez-vous, ce droit? Vous l'avez tous. Prenez-le comme nous. Nous ne vous le disputons pas. Vous êtes tous dignes de vous dévouer au salut commun. Nous n'avons de titre que ce que nous prenons dans nos consciences et dans vos dangers. Mais il faut des chefs au peuple tombé d'un gouvernement dans un interrègne. Les voix de ce peuple, vainqueur et tremblant de sa victoire, au foyer même du combat, nous ont désignés, nous ont appelés par nos noms. Nous avons obéi. Voulez-vous prolonger un scrutin terrible et impossible au milieu du sang et du feu? Vous en êtes les maîtres, mais le sang et le feu retomberont sur vous et la patrie vous maudira! Quel gouvernement voulez-vous nous donner, Lamartine? Oui, oui! Voulez-vous, oui ou non, nous donner la République? Oui, la République! Qui est-ce qui a prononcé le mot République? Tous, tous, tous, tous. Savez-vous ce que vous demandez? Oui. La République! Savez-vous que c'est le gouvernement de la justice? Et vous sentez-vous assez juste pour faire droit même à vos ennemis. Eh bien, c'est vous qui l'avez dit. Vous serez république si vous êtes aussi digne de la conserver que vous avez été héroïque pour la conquérir. Mais entendons-nous, nous et vous, nous voulons la République, mais nous serions, vous et nous, indignes du nom de républicains si nous prétendions commencer la liberté par la tyrannie ou dérober le gouvernement de la liberté, de l'égalité, de la justice, de la religion et de la vertu comme un larcin dans une nuit de sédition et de confusion comme celle-ci. Nous n'avons qu'un droit, celui de déclarer notre pensée, notre volonté à nous, peuple de Paris, celui de prendre la glorieuse initiative du gouvernement de liberté amené par les siècles et de dire au pays et au monde que nous prenons sous notre responsabilité de proclamer la République provisoire comme gouvernement du pays. Mais en laissant au pays, à ces 36 millions d'âmes qui ne sont pas ici, qui ont le même droit que nous de consentir, de préférer ou de répudier telle ou telle forme d'institution, en leur réservant, dis-je, ce qui leur appartient, comme notre préférence nous appartient à nous-mêmes, c'est-à-dire l'expression de leur volonté souveraine dans le suffrage universel, première vérité et seule base de toute république nationale. Ainsi fut proclamée dans la soirée du 24 février la Deuxième République française à l'Hôtel de Ville de Paris. Avant de se séparer à la fin de leur première journée de dictature provisoire, les membres du gouvernement de la République soupent de fromage de gruyère, de pain, de quelques gorgées de vin, resté du déjeuner d'un huissier, d'eau qu'on leur a apportée dans un seau, qu'ils boivent à tour de rôle dans un sucrier cassé. Repas bon marché pour un gouvernement bon marché, dit Lamartine. Il rentre chez lui accompagné de trois compagnons qu'il ne connaissait pas le matin. Payère, Ernest Grégoire et le docteur Fèvre. La nuit était orageuse et sombre. Il dormit 2 ou 3 heures, changea de vêtements et retourna à l'hôtel de ville, où Marie l'attendait, avant d'aller se reposer à son tour. Lamartine repartit à pied à 4 heures du matin pour l'hôtel de ville. Les heures tardives de la nuit avaient assoupi plus complètement la ville. Les feux s'éteignaient sur les barricades. Les fonctionnaires du peuple dormaient le coude appuyé sur la bouche du canon de leur fusil. On entendait une certaine rumeur sourde sortant des rues profondes et noires qui entourent la place de Grève. Des groupes de 4 ou 5 hommes armés traversaient çà et là le quai, les rues, les places d'un pas précipité. Ils s'entretenaient à voix basse comme des conjurés. Lamartine crut apercevoir à la lueur des feux de bivouac qu'ils portaient des rubans rouges à leurs boutonnières et des cocardes rouges à leurs chapeaux. Dès les premières heures de la matinée, il est clair que rien n'est gagné. Thank you. ils se cachent. Ce sont tous des vieux conjurés, des clandestins farouches et bizarres, qui vivent et agissent encore sous l'empire de l'esprit des ventes des carbonari, dans l'ambiance des sociétés secrètes, avec des mots de passe, des gestes mystérieux, des signes de ralliement. Auguste Blanqui, l'enfermé, l'âme du mouvement d'aujourd'hui, vient parfois rôder aux environs de l'hôtel de ville. Mais il se terre, le plus souvent, dans son repère du Prado, entouré comme un chef de bande de gardes du corps armés au fond d'une salle obscure. La Journée Rouge a recruté au hasard de l'insurrection et ramassé la rue, la barrière, la zone. Le peuple traditionnel des gueux est là. Vagabonds, mendiants, misérables, travailleurs de besogne sordide, des haillons, des figures amaigries, la pègre aussi. Le monde du paupérisme qui ne s'aventure en plein jour que lorsque l'émeute balaie et engloutit la police. Tout cela grouille, se démène, chante, crie, brandit des morceaux d'étoffe rouge, déchirés sur place dans des pièces de tissu apportées en hâte. Toute la place est rouge. Au gouvernement provisoire, pendant que tout cela gueule, un débat dramatique. Comment faire face? Que répondre à ce cri? Que proposer à cette foule? Louis Blanc affirme en substance: le peuple réclame l'organisation du travail. Seule l'organisation du travail mettra fin à son agitation et à ses colères. Seule, elle lui inspirera confiance dans le gouvernement. Que l'État prenne en main l'organisation du travail, c'est-à-dire fixe autoritairement les salaires égaux pour tous. À travail égal, salaire égal. Sans permettre dorénavant aux patrons d'exploiter les besoins quotidiens du peuple en sous-payant l'effort, sans permettre aux patrons d'accumuler des bénéfices prélevés sur le travail des salariés, et toute la classe ouvrière retrouvera la tranquillité et la confiance. Lamartine analyse et propose en substance: cette organisation du travail est une forme inconsciente du communisme, quoi que vous disiez. Vous intervenez sur la propriété en intervenant sur les bénéfices. Vous interdisez le libre jeu de la concurrence, et la concurrence est l'âme du commerce. À cette organisation du travail, qui en égalisant les salaires décourage le zèle du travailleur, substituons la protection du travail, qui s'étend sur toutes les formes de l'activité ouvrière, intervient pour le travailleur de l'enfance à la vieillesse, par laquelle l'État s'engage à soutenir les associations mutuelles, assure aux travailleurs un secours dans les périodes de chômage, enfin s'emploie à améliorer ses conditions de vie sur tous les plans physiques, moraux et intellectuels. Il faut également envisager des réformes fiscales et tout mettre en œuvre pour aider la classe ouvrière sans léser les intérêts légitimes de l'employeur. À Paris, en février 1848, il y a 65 000 employeurs, dont la plupart n'emploient pas plus de 5 ouvriers. Il n'y a pas de patronat avec lequel on puisse discuter de l'organisation ou de la protection du travail. Et le peuple exige une réponse. La solution proposée par l'émeute: on vous donne 2 heures. Dans 2 heures, il y aura 100 000 hommes sur la place. Et si vous n'avez pas décrété tout ce que le peuple exige, vous serez tous fusillés. Comme traîtres, venus ici pour voler la victoire du peuple, le tromper, exploiter son sang. Voilà la volonté du peuple, écoutez bien. Écoutez! Et écrivez. Le peuple veut le drapeau rouge. Le peuple veut la suppression de la propriété. Aujourd'hui, vous avez bien entendu, ce soir, le peuple sera partout chez lui. Il chassera les bourgeois. Il se mettra à leur place. Celui qui parle ainsi face au gouvernement provisoire se nomme Marche, 20 à 25 ans. Un groupe derrière lui le soutient de ses applaudissements. Le peuple veut son tribunal pour juger le tyran, sa femme, ses enfants, ses salauds de ministres, ses salauds de généraux qui ont tiré sur le peuple. Oui ! Vous écrivez aussi « Tribunal révolutionnaire ». La guillotine demain matin, là, en bas. Et le jugement public, le peuple présent. Qu'on puisse pas le tromper. Ouais ouais ouais. Vous n'écrivez pas, c'est égal, vous vous souvenez. On vous demande tout ça depuis hier. Vous faites des phrases, mais en voilà assez. Le peuple veut des actes. Oui. Et le peuple veut plus de contremaîtres, de chiens de patron. Tous égaux dans les ateliers. Il faut les fusiller s'ils veulent commander. On aura une armée révolutionnaire pour la surveillance de tout. Et du gouvernement en premier lieu. Ici, le fusil sur vous. Plus d'héritage, plus de duc, de Lamartine ou de capitaine. Plus de garde nationale. Le pouvoir au peuple. Vos élections, jamais. Le peuple ne veut pas d'élection, ni de chambre des députés. Il veut un comité de salut public, le tribunal, et c'est tout. Le peuple veut la guerre à tous les rois, comme en 93. D'abord au tyran de Russie, pour délivrer nos frères de Pologne, puis au roi d'Allemagne, à la reine d'Angleterre, à la reine d'Espagne. Le peuple veut délivrer les Italiens et chasser le pape et ses calotins. Le peuple veut entrer demain en Belgique, chasser le gendre Philippe, le Léopold de Saxe-Coburg. Ouais, ouais, ouais, ouais. Vous avez 2 heures. Si dans 2 heures, le drapeau du peuple, le drapeau des travailleurs n'est pas déployé sur l'hôtel de ville, on vous fusille tous. Oui ! Bravo Marche ! Bravo Marche ! Nous avons eu la patience de vous écouter. Parce que nous écoutons le peuple. Mais ce discours... La patience du peuple est finie ! Oui ! Voilà la parole du peuple. Des balles! Oui, oui, oui, oui. Lamartine! Ah, c'est Lamartine, je ne veux pas l'écouter! Vous m'écouterez! Non! Non! Non. Je vous ai écouté, vous m'écouterez! Non! Non. Lamartine! Je suis un homme simple, je ne sais pas me défendre par des paroles. J'ai dit les volontés du peuple, vous allez me parler, moi je ne sais pas dire des idées. Je dis la volonté du peuple, mais ne me parlez pas! Ne me trompez pas, vous avez trompé les autres. Ils venaient pour dire la volonté du peuple, et ils redescendaient changer parce que ils vous avaient écouté. Il faisait changer les autres langues. Voilà, une langue qui coupe tout. Il n'y en a plus d'autres entre vous et nous. Vous parlez bien, le peuple a bien choisi son interprète. La parole sincère est la paix entre les hommes, le silence obstiné est la guerre. Voulez-vous la guerre et le sang ? Nous l'acceptons. Mais alors que la guerre et le sang retombe sur ceux qui n'ont rien voulu entendre. Alors, vous voulez un gouvernement de lâches, délibérant sous les fusils? Vous savez que vous avez besoin d'un gouvernement digne d'un grand peuple comme la France, digne de votre victoire, de vos sacrifices. Et vous voulez qu'il ait le canon d'un fusil sur la nuque, ce gouvernement, qu'il tremble, qu'il reçoive des ordres tous les matins, comme un valet. Vous des Français, vous voulez abandonner votre drapeau. Un drapeau que vous avez couvert de gloire, hier encore, en faisant une révolution généreuse, où seul votre sang a coulé. Une révolution d'hommes respectueux du bien d'autrui. Vous qui avez fusillé les voleurs. Ce n'est pas vous, en ce moment, qui pillez et incendiez les maisons de Louis-Philippe, qui incendiez le château de Rothschild. Vous savez que Rothschild a versé une somme énorme pour vous et vos blessés. Vous n'êtes pas capable d'ingratitude, d'envie, de basse jalousie. Vous n'êtes pas capable d'incendier des gares, de faire sauter des ponts, comme d'autres le font en ce moment. Vous êtes des républicains, pas des bandits. Et vous nous demandez de trembler devant vos fusils? Vous qui n'avez jamais tremblé devant les fusils de la royauté? Ne parlez pas comme ça. Ne parlez pas comme ça. Mais ne l'écoutez non pas, vous autres! Mais ne l'écoutez pas! Si! Vive la Martine! Alors viens, viens, tu leur as dit ce qu'il y avait à dire. Dans deux heures, on sera 100 000! Et le drapeau rouge, ou la mort! Vive la Martine! Vive la Martine! Ils sont là. L'hôtel de ville est rempli de cadavres apportés de tous les hôpitaux, de toutes les ambulances, et qui jonchent les salles, les escaliers. Les cours sont encombrés de cadavres de chevaux, traînés avec des cordes. Lamartine, épuisée, est couchée par terre, dans la poussière. Dans un coin, il dort. Lamartine, Lamartine, réveillez-vous, venez. Hein, oui. Ils sont là, ils vous réclament. Il faut aller leur parler. Je n'en peux plus. Faites un effort, ils n'écoutent que vous. Ils envahissent l'hôtel de ville, ils ont bloqué le Drurelin depuis 2 heures en bas. Lamartine, faites encore un effort, tout repose sur vous. Je voudrais que Louis Blanc vienne avec moi. Et qu'il se tienne près de moi. Il leur promet n'importe quoi. Je veux l'avoir avec moi, je veux qu'il s'engage. Les polytechniciens vont vous encadrer de près, l'épée nue. Fasciné, je surveille Louis Blanc. Au premier signe qu'il leur fait, je le tue. Ils descendent vers le peuple. Louis Blanc, pour être aperçu de tous, est juché sur les épaules d'un garde national. Les polytechniciens entourent Lamartine. Vous voulez que le gouvernement signe un décret adoptant le drapeau rouge? Oui! Jamais! Je repousserai jusqu'à ma mort ce drapeau de sang. Vous devriez le répudier plus que moi. Car le drapeau rouge que vous nous rapportez n'a jamais fait que le tour du champ de Mars. Traîné dans le sang du peuple en 91 et 93. Et le drapeau tricolore a fait le tour du monde. Avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Alors se produit une lutte entre deux groupes, les uns repoussant le drapeau rouge, les autres le défendant. Lamartine, qui veut les séparer, est entraînée en haut d'un escalier, couchée en joue, légèrement blessée à la main, entourée de lames nues. On tire des coups de feu. Tirez pas! Tirez pas! Laissez-moi l'approcher! Je veux le voir! Je veux le toucher! Un insurgé en haillons, blessé par un des coups de feu qui viennent d'être tirés, le visage en sang, ses yeux bleus pleins de larmes, à moitié nu, se hisse jusqu'à Lamartine, bloqué contre un portail, le saisit dans ses bras. Faut l'écouter! Faut faire ce qu'il dit! C'est le père du peuple! C'est le sauveur de la République! Vous me tuerez avant de le toucher! Je mourrai! Mais je le sauverai pour mon pays! Oui! Oui! Oui! sauver le pays. Mon ami, embrassons. Je voudrais pouvoir vous embrasser tous. Commence à leur expliquer sa politique étrangère, à leur dire que le drapeau rouge l'empêcherait de représenter dignement la France vis-à-vis du monde entier qui respecte et craint le drapeau tricolore. Et soudain, une étrange vision s'élève devant lui. Une sorte de fantôme vêtu d'un habit bleu, les yeux grands ouverts, immobile, qui avance sans bouger. Lamartine s'arrête, ne trouvant plus ses mots. Le fantôme, c'est Louis Blanc, évanoui, que l'on monte péniblement vers le palier. L'insurgé s'évanouit à son tour, et porté par le remous, Lamartine retourne vers ses collègues, qui s'inquiètent de le voir si pâle et couvert de sang. C'est fini pour ce jour-là. Les drapeaux rouges disparaissent. Blanqui déchire ses affiches et renvoie ses partisans. Avant de quitter le conseil du gouvernement provisoire qui a poursuivi ses travaux, Lamartine tire les conclusions de la journée. Ah, écoutez tout de même, monsieur de Lamartine, le peuple a versé son sang, il a le droit de demander justice, d'exiger un procès. Le peuple est comme les fauves quand il a flairé le sang. Je suis adversaire de la peine de mort, tout le monde le sait. Je ne crois pas à la peine de mort en matière civile. Je l'ai en horreur en matière politique. Vous voudriez que nous abolissions la peine de mort ? Il le faut. Abolir la peine de mort ? Est-ce que nous en avons le droit ? Voilà la question, Crémieux. En matière civile, sûrement pas, Marie. Il faudrait réformer le code. Et ça, réformer le code, c'est tout de même aller un peu loin. Non, mais nous pouvons prendre un décret révolutionnaire. Je reconnais que Robespierre a demandé l'abolition de la peine de mort à la Constituante. Malheureusement pour lui, sa motion a été repoussée. La même proposition a été repoussée par la Chambre en 1830. C'est une question épineuse. C'est une question révolutionnaire qu'il faut trancher révolutionnairement. Danton disait « oser ». La Révolution n'a jamais osé contrister les spectres de Louis XI et de Richelieu. Elle n'a eu d'audace que dans l'imitation de la Saint-Barthélemy. La Révolution a été assez sage pour ne pas se laisser désarmer. Oui, elle a égorgé tous ses enfants. Messieurs, je vous demande d'y penser. Le lendemain, c'est Louis Blanc qui rouvre le débat. Je demande que nous délibérions de nouveau sur la proposition de M. de Lamartine et que nous fassions à l'humanité ce don de joyeux avènement de la démocratie. Et il rédige le décret avec Lamartine. Après la signature, Dupont de l'Eure, Lamartine, Louis Blanc, Arago, Crémieux et Marie se lèvent, les yeux remplis de larmes, et se jettent dans les bras les uns des autres. Comme des hommes qui viennent de sauver l'humanité d'un fleuve de sang. Reste à faire accepter le décret au peuple. Le vieux Dupont de l'Eure se traîne sur la place, s'accrochant d'un bras au bras de Lamartine, de l'autre au bras de Louis Blanc, et Lamartine proclame le décret. Il y a d'abord quelques murmures, mais peu à peu l'enthousiasme gagne. Les applaudissements, les acclamations éclatent. C'est ici qu'un grand peuple, au jour de la justice, dans la balance humaine, au lieu d'un vil supplice, jeta sa magnanimité. Quelques journées enthousiastes. la lune de miel de la jeune République et de la France rassurée. Le refus du drapeau rouge, l'abolition de la peine de mort en matière politique, de l'esclavage dans les colonies, des lois restrictives sur la presse et les réunions politiques, l'annonce des élections prochaines pour la première fois au suffrage universel sans aucune restriction, l'arrivée en Angleterre du roi et de la reine, sains et saufs, en Allemagne de la duchesse d'Orléans et de ses enfants, sains et saufs, tous les princes et toutes les princesses en sécurité, les démissions patriotiquement et noblement données par le duc d'Aumale et le prince de Joinville, les cris de vive le clergé, la bénédiction de Monseigneur Affre, l'adhésion des généraux et des maréchaux, de tous les corps constitués, le don aux chômeurs d'1 million pris sur la liste civile, le tout glorifié par une de ces belles parades militaires, chères au cœur des Parisiens. Oui, tout enchante la France, délivrée d'une terreur confuse. Installée boulevard des Capucines au ministère des Affaires étrangères, Lamartine peut enfin ouvrir le dossier de l'Europe. Dossier inquiétant. Mais enfin, il a des heures calmes où il peut poursuivre des dialogues harmonieux. Et il en afflue tous les jours. Monsieur de Lamartine, je suppose que vous ne vous faites pas d'illusions. Aucune, vicomte. Contrairement à ce qu'on croit généralement, je ne me fais jamais d'illusions. Les ateliers nationaux ne résoudront rien. Allez donc le dire à Louis Blanc. En 89, les ateliers nationaux établis par Necker n'ont pas été autre chose que l'atelier, la manufacture, l'usine des émeutes. Je n'ai pas approfondi la question des ateliers nationaux pendant la Révolution. Mais je connais assez bien tout ce qui touche le malheureux peuple des travailleurs salariés. Depuis plus de 10 ans, comme vous savez, je me consacre entièrement à la charité. Je vis parmi les pauvres et les ouvriers et... Un instant. Qu'est-ce qu'on me veut encore ? Monsieur le ministre, pardonnez-moi, mais... J'avais dit qu'on ne me dérange pas. C'est une délégation d'Irlandais. Hein ? Des Irlandais ? Dites-leur que je ne peux pas les recevoir, que je suis occupé. Ils viennent vous présenter une pétition. J'ai à parler avec le vicomte de Melun. Le vicomte de Melun. Une 40aine d'années, un bel homme, un peu grave et assez froid, des cheveux clairs, des yeux gris enfoncés sous des sourcils broussailleux, une barbe en collier, très vieille noblesse picarde, une figure connue du milieu catholique libéral, ami de Montalembert, de Madame Zetchine, de Lacordaire, de Falloux, le Saint-Vincent de Paul de son époque, le Henri Dunant français. Il vient de fonder à Bruxelles, à l'occasion d'un congrès consacré aux problèmes pénitentiaires, l'International de la Charité. Parlons de ce qui vous amène. De quoi parlions-nous ? Nous parlions des ateliers nationaux. Ah oui, parfaitement, les ateliers nationaux. Une nécessité d'urgence, un problème et un danger, oui. La solution s'impose, mais je ne vois pas qui l'imposera. Nationaliser les chemins de fer, reprendre les travaux interrompus et y employer ces bras inoccupés qui viennent brandir des armes à l'hôtel de ville. Et pour ça, il faudrait un ministre des Travaux publics. Notre collègue Marie a pris les travaux publics comme un titre à son entrée au gouvernement. Il ne s'occupera des ateliers nationaux que pour interdire à Louis Blanc de s'en occuper. Et à la délégation ouvrière du Luxembourg qu'il dirigera, Louis Blanc organisera la sédition et tentera de l'introduire dans les ateliers nationaux. Tout cela est déjà en bon chemin. Et avec tout cela, un ministre des Finances qui menace de démissionner tous les matins. Les choses étant ainsi, mon cher Melun, nous avons à résoudre le problème du paupérisme, du chômage, de l'agitation ouvrière. Je ne parle pas des élections livrées malheureusement aux initiatives de Ledru Rollin. Et l'on vient me jouer du big pipe. Dans une heure, des Polonais viendront me sommer de déclarer la guerre à l'empereur de Russie pour restituer un fantôme de royaume sarmate en guerre avec lui-même depuis 300 ans. Et je serai fort heureux si dans la soirée, des Belges ne viennent pas tout casser ici en demandant des canons et un corps d'armée pour aller détrôner leur roi Léopold. Ah, enfin, quand on s'est jeté à l'eau, il faut nager. Que me demandez-vous? Que me proposez-vous? Je vous écoute. Monsieur de Lamartine, je demande la charité. Je demande la charité pour les pauvres. Je la demande à la République. Je suis persuadé depuis longtemps, et Dieu sait qu'on me le reproche souvent dans certains cercles catholiques où l'on me traite de socialiste, que le problème de la misère et les effroyables conditions du travail des salariés de l'industrie ne se résoudront jamais par la seule charité privée dont le peuple se défie, par la seule aumône qu'il ne veut plus recevoir et qu'il humilie, mais par une vaste politique d'assistance dont l'État doit prendre l'initiative et la surveillance. Non pas que je refuse la charité personnelle, plus nécessaire sans aucun doute à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Il faut comprendre le besoin de son époque. Mais les uns nous repoussent vers 93 et les autres veulent nous faire reculer jusqu'au Moyen-Âge. Les hommes qui consentent à vivre en 1848 sont traités d'utopistes. Oui, c'est ça, de socialistes. Mais moi aussi, je suis socialiste. L'Évangile est socialiste. Le Christ est socialiste. Chaque ouvrier mérite son salaire. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Tu ne pratiqueras pas l'usure. Tu protégeras les faibles, tu instruiras les pauvres, tu nourriras les affamés, tu soigneras les malades, les vieillards, les infirmes, tu assisteras les prisonniers, tu donneras l'hospitalité à l'étranger, tu ne maudiras pas ton frère. Tous les hommes sont fils de Dieu, enfants de la liberté de Dieu, de l'égalité de Dieu, de la fraternité de Dieu. Mais l'État qui pratiquerait tout cela ne serait-il pas l'État le plus socialiste du monde ? Le seul code de la civilisation, c'est l'Évangile. On a proclamé le règne du matérialisme, social et moral, et l'on a fait de la richesse le seul but de l'activité humaine. C'est ce qu'on appelle le progrès. Et ôter Dieu et l'honneur, que reste-t-il? Monsieur Guizot, qui est du reste un personnage d'une haute probité personnelle, l'a dit en un seul mot, enrichissez-vous. Il a dit quelque chose de bien plus répréhensible encore. Monsieur Guizot a dit un jour, le travail sans relâche est nécessaire pour contenir le peuple. Le travail sans relâche. Même le roi faisait travailler le dimanche dans son propre château, sans relâche, jour et nuit. Le travail sans relâche des enfants dans les ateliers et les manufactures. Il était question cet an dernier à la Chambre, vous souvenez-vous, monsieur de Lamartine, d'obtenir que les enfants de moins de 12 ans ne soient pas astreints à plus de 8 heures de travail avec un repos d'une heure. J'espère que la République rouvrira ce dossier. Il a déjà été difficile d'obtenir la journée de 12 heures et la suppression du travail de nuit pour les enfants. La journée de 8 heures est un point sur lequel il ne faut pas céder. Et je ne parle pas des conditions de travail. Certaines usines sont de vrais taudis. La mortalité des enfants des manufactures est extrêmement élevée. Peu arrivent à l'âge de 20 ans, et quand ils y arrivent, ils atteignent rarement la taille d'un soldat. Le travail sans relâche de ces pauvres petits êtres est payé 43 centimes par jour. Oh, la question des enfants m'a immédiatement préoccupé. La fermeture de la plus grande partie des ateliers et des quelques manufactures de Paris en a lâché plus de 20 000 entre 12 et 20 ans sur le pavé. Ils étaient tous aux abords de l'hôtel de ville. Par bande. Dans la masse immobile et résignée des travailleurs qui couvraient toute la place, comme un océan, je voyais par les fenêtres ce tourbillon d'enfants et de jeunes. Un flot sans cesse mobile. Oui, cette mobilité m'a frappé. Nous n'avions plus aucune espèce de service d'ordre dans Paris. Où trouver des postes de garde pour la surveillance des portes, des gares, des aiguillages, des dépôts de matériel? Des entrepôts sans cesse menacés. J'ai aussitôt conçu l'idée d'ôter à l'émeute cette jeune troupe mobile prête à suivre n'importe quel chef et de la mettre au service de la République. Et j'ai rédigé, séance tenante, sur le dernier morceau de papier restant encore sur la table, un décret constituant 24 compagnies de gardes mobiles, soldées et encadrées, dont l'enrôlement commença immédiatement. Vous avez, dans la garde mobile, beaucoup de nos petits apprentis. Ils vous donneront satisfaction, je vous réponds d'eux. Il reste les adultes et les familles. Je sais. Je vous l'ai dit, je crois, monsieur de Lamartine. Depuis 10 ans, je suis sous les ordres d'une femme qui vit au cœur même de la misère parisienne. Le matériel humain, comme disent messieurs les industriels... Mais je vois de qui vous parlez, la sœur Rosalie Rendu. Oui, la sœur Rosalie. Êtes-vous jamais venue rue de l'Épée de Bois? C'est dans le quartier Mouffetard, le quartier des chiffonniers. Ces hommes et ces femmes misérables m'ont souvent imposé le respect. Je n'osais pas plus leur offrir de l'argent que je n'oserais vous en offrir à vous, monsieur de Lamartine. Je craignais de les humilier. Ils s'épuisaient de travail. Ils ne mendiaient pas. C'est pourquoi l'État doit intervenir. Le peuple sait qu'il est en droit de le demander. Je pense comme vous. J'ai été pendant 2 jours et 2 nuits immergé dans le peuple. Je n'oublierai jamais l'étreinte fraternelle de cet insurgé noir de poudre qui m'a sauvé la vie en me couvrant de son corps misérable et de son sang et en pleurant dans mes bras. Une étreinte fraternelle. Vous avez dit le mot. Ce peuple s'est levé. Il ne veut plus se courber sous une loi paternelle. Il a tort quand il refuse la paternité de Dieu, mais quand il demande la fraternité des hommes plus heureux et plus instruits que lui, il a raison. La République ne peut reposer que sur cette fraternité. Je veux convertir en loi constitutionnelle tout ce que vous venez de me dire. Mon Dieu, monsieur de Lamartine, c'est une simple conversation. Non, c'est une République nouvelle. Encore ! Pardonnez-moi, mon cher ami. Je vous en prie. Paillet, je vous ai déjà dit que je ne voulais pas être dérangé. C'est monsieur de Fraissinet. Qui ? Un aide-de-camp, un polytechnicien. Il est envoyé par le gouvernement. Mais je suis occupé, je n'ai pas le temps de le voir. Quand monsieur de Melun me laissera, j'ai à travailler. Je dois finir de composer ma circulaire pour les agents diplomatiques. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille. C'est important, vous le savez bien. Et que faut-il répondre au gouvernement ? Mais que le ministre des Affaires étrangères a pris le gouvernement de lui foutre la paix. Monsieur de Lamartine, je suis confus de vous avoir retenu si longtemps. Vous, dont les moments sont précieux. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous garder, mon cher vicomte. Oui, je suis désolé, mais je vous reverrai. Hein ? Monsieur de Lamartine. Oui, oui, oui, qu'est-ce que c'est ? Ce jeune homme insiste, il assure qu'il doit vous parler de la part du gouvernement. En 1792, ce n'était pas le peuple tout entier qui était entré en possession de son gouvernement, c'était la classe moyenne seulement qui voulait exercer la liberté et en jouir. Et le triomphe de la classe moyenne était alors égoïste, comme le triomphe de toute oligarchie. Elle voulait retenir pour elle seule les droits conquis par tous. Et il lui fallait pour cela opérer une diversion forte à l'avènement du peuple, en le précipitant sur les champs de bataille pour l'empêcher d'entrer dans son propre gouvernement. C'est admirable. C'est mon manifeste à l'Europe. Laissez-moi travailler. Ce n'est pas la patrie qui court les plus grands dangers dans la guerre, c'est la liberté. La guerre est presque toujours une dictature. Les trônes tentent les ambitieux, et les soldats oublient les institutions pour les hommes. La gloire éblouit le patriotisme. La France ne fera point de propagande sourde ou incendiaire chez ses voisins. Elle sait qu'il n'y a de liberté durable que celle qui naît d'elle-même sur leur propre sol. Mais elle exercera, par la lueur de ses idées, par le spectacle d'ordre et de paix qu'elle espère donner au monde, le seul et honnête prosélytisme, le prosélytisme de l'estime et de la sympathie. Ce n'est point là l'agitation de l'Europe, c'est la vie. Ce n'est point là incendier le monde, c'est briller de sa place sur l'horizon des peuples pour les devancer et les guider à la fois. Le spectacle de l'ordre et de la paix qu'elle espère donner au monde. Du début de mars à début avril, ce ne sont que luttes, débats, manifestes, circulaires, manifestations de rue. Lamartine a réussi, selon sa formule, à soutirer l'électricité d'un certain nombre de clubs socialistes, dominés par des non-violents, des hommes de pensée tels que Leroux, Cabet, Proudhon, Raspail, Barbès. Reste Blanqui. Lamartine le sait-il ? Récemment, Blanqui a vu Karl Marx, venu secrètement à Paris. Lamartine veut tenter une désélectrification d'Auguste Blanqui. Il réussit à lui faire accepter le principe d'une rencontre secrète, d'un dialogue face à face. Un matin de la fin mars, ou du début d'avril, Lamartine est levé, Il travaille. On lui annonce que Blanqui est là, au ministère des Affaires étrangères. Monsieur. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur Blanqui est là. Ah. Il est venu. Seul ? Non. Ils sont 5 ou 6. D'autres dehors, peut-être. Armés ? Des pistolets à la ceinture. Et dans les poches, probablement. Les miens sont chargés. Bah, à quoi bon ? Est-ce que monsieur s'habille ? Ma robe de chambre, il fait bien chaud, non ? On est averti, mais faut-il faire monter du monde pour entourer monsieur ? Non, que personne ne se montre. Ni pas dans les corridors, ni murmure derrière les portes. Allez chercher monsieur Blanqui. Seul, s'il y consent. Monsieur Auguste Blanqui. Mais entrez donc, monsieur Blanqui. Bonjour, comment allez-vous ? Mais asseyez-vous donc. Je vous en prie. Il est sans doute de bien bonne heure pour vous, monsieur Lamartine. Je vous fais lever tôt. Non, je me lève toujours tôt. C'est une habitude de campagnard. Je travaillais. Je vous reçois comme je suis, en manche de chemise. Si vous venez pour m'assassiner, l'occasion est propice. Comme vous voyez, je n'ai pas de cuirasse. L'assassinat d'un homme qui me reçoit chez lui la poitrine découverte n'entre pas dans mes principes, monsieur Lamartine. Ah, vous n'avez rien de commun avec Charlotte Corday. Absolument rien. Sauf la douceur de la voix. Fumez-vous ? Non. Vous prisez, peut-être ? Ah, non plus. Aucun vice. Aucun. Votre modèle est Robespierre. Jusqu'à un certain point. Et que vous dépassez. Robespierre redoutait le dialogue, vous l'acceptez. Je vous en félicite. Je vous écoute, monsieur Lamartine. Mais monsieur Blanqui, je ne vous demande pas de m'écouter, je vous demande de me croire. Oui, nous nous opposons l'un à l'autre. Il y a 2 républiques, la vôtre et la mienne, 2 Frances. La vôtre et la mienne, 2 révolutions. La vôtre et la mienne. Il n'y a qu'une révolution. Plaît-il ? Je disais, il n'y a qu'une révolution, celle des travailleurs. Je ne reconnais qu'une révolution, nécessaire, raisonnable et féconde, la révolution de la vérité. Je vous dois la vérité, je vais vous la dire. Me croyez-vous ? Je vous écoute. Ami ou ennemi ? Ennemi. Non, puisque vous êtes là. Bien. Ennemi. Soit. Ennemi des principes que vous me supposez. Quand je vous aurai prouvé que votre supposition est fausse, j'en conclurai qu'il ne s'agit que d'une antipathie personnelle, ce qui, en matière de politique, n'a réellement aucune importance. Selon vos théories, il n'est pas permis à tout le monde de servir le progrès, de combattre pour la République. Mais vous restreignez la révolution à une autre aristocratie. Vous recréez un privilège. Seul le travailleur manuel est citoyen. Vous retournez le problème, il reste entier. Pour moi, ce problème n'en est pas un. Je n'ai pas à le retourner. La démocratie, qui n'est pas fondée sur les intérêts de tous, la République, qui n'est pas la chose de tous, appelez ça comme vous voudrez, mais ce n'est ni la démocratie, ni la République. Voilà mon principe. Vous croyez que j'oppose une caste à une caste ? Un privilège à un privilège ? C'est faux. Vous vous trompez. Je veux créer une aristocratie, soit. Imposer la dictature d'une minorité, je veux bien. Vous allez me jeter à la face que la masse ouvrière ne nous suit pas. Eh bien, c'est vrai. Je le sais aussi bien que vous, mieux que vous. La masse est lâche, insouciante. Et la preuve, vous faites votre garde mobile avec des enfants du peuple, qui tireront sur le peuple, sous prétexte d'une soupe et d'une solde, et parce qu'on leur a collé une épaulette verte sur l'épaule. J'ai meilleure opinion du peuple. Et quant à la garde mobile... Littérature, le peuple est ce qu'il est. Nous le prenons comme il est. Mais attention, tous les travailleurs d'Europe sont unis maintenant, monsieur Lamartine. Ils marcheront tous ensemble et ils auront le pouvoir. Tôt ou tard, en Europe comme en Amérique, qui suivra l'exemple. Vous ne pourrez rien empêcher. Vous ne m'empêcherez pas de crier la vérité. Essayez de prendre le pouvoir. Je vous annonce la suite. La classe ouvrière sombrera dans un abîme d'où elle ne sortira plus pendant des générations. Allons donc. Mais enfin, nierez-vous que depuis 50 ans, elle marchait irrésistiblement vers la liberté, l'instruction, la justice. Qui a mis Louis-Philippe sur le trône? Vos amis ou les miens? Qui l'a rendu nécessaire, cher aux bourgeois et aux boutiquiers, par des assassinats, des émeutes, des barricades, des menaces perpétuelles? Vos amis ou les miens? Vous êtes son pire ennemi. À chacune de vos tentatives, à chacun de vos échecs, à chacune de vos menaces, le peuple a été rejeté plus bas, plus loin dans sa misère, plus diffamé, plus enchaîné. Vous me parliez de la guerre, moi aussi, je vais vous en parler. Vous n'avez donc pas encore compris qu'une guerre vient bien à propos pour distraire le peuple et soulager les embarras du gouvernement, sans parler des intérêts des maîtres de forge, des munitionnaires et des marchands de chevaux? La guerre résout le problème du chômage et de l'agitation sociale de la manière la plus rapide et la plus facile. Napoléon l'avait fort bien compris. La guerre, cette fois-ci, il nous la faut. Toute la classe ouvrière se soulèvera et s'unira. Tout est préparé. On a compris les leçons du passé. Mais vous n'y avez rien compris du tout. Les Jacobins ont nourri la même illusion et c'est bien pourquoi ils ont déclaré la guerre en 92. Et qu'ont-ils trouvé, là où ils attendaient des révolutions fraternelles, quelques douzaines d'affiliés par-ci, par-là, dans quelques grandes villes, et qui détalaient au premier galon d'un escadron? Et partout des patriotes aussi héroïques qu'eux-mêmes, qui leur tiraient des coups de fusil du haut de tous les clochers et au coin de tous les bois. Vous n'avez pas compris. Je parle d'une guerre révolutionnaire. Il n'y a pas de guerre révolutionnaire, il y a la guerre. Écoutez-moi bien, Blanqui. Vous voyez que je viens vers vous sous le regard de Dieu. Vous aussi, vous croyez en Dieu? Je le voudrais. Oui, je le voudrais toute mon âme. Ce serait si beau, la bonté de Dieu. Mais c'est beau puisque nous sommes ici, face à face, comme deux hommes, et non comme des loups. Et pourtant... Non, il y a une bonté plus forte que nos colères. Vous me reprochez d'avoir refusé au peuple son drapeau. Pour nous, c'était la pierre de touche. Eh bien, changez votre pierre de touche. Le drapeau rouge, c'est le drapeau de la famine. Quand le peuple a le ventre vide, il se bat comme un lion. Et qui agonise sous les balles des chasseurs ou qu'on emmène en captivité, les pattes liées à un tronc d'arbre, la tête en bas, sa crinière ensanglantée traînant dans le sable. Mais voilà assez avec cette révolution de bêtes fauves. Cette révolution de faim, de haine, de terreur, de désespoir. Le peuple heureux vous fait donc peur? Heureux? Il ne le sera jamais tant que le capital s'engraissera de sa substance. S'il s'agissait de faire rendre gorge à une centaine de gros manufacturiers, de gros propriétaires, nous pourrions tenter de saisir le capital où il est concentré. Mais en France, il est dispersé dans des millions de mains. Oh, sans doute, vous les socialistes et nous le gouvernement, nous pourrions faire tout le mal possible, mais rien d'autre. Non, la France a été expropriée en 1789, elle ne peut pas l'être une seconde fois 50 ans plus tard. Il faut inventer autre chose. Tâchons que ce soit mieux. La révolution de 1789 a installé l'égoïsme, le matérialisme, le mercantilisme. C'est l'esprit qu'il faut d'abord changer. Je suis plus révolutionnaire que vous, Blanqui. Vous voulez un prolétariat éternel, moi je veux sa disparition progressive et d'autant plus assurée. Je veux que tout homme en France soit propriétaire de ce qu'il a gagné. Je réclame le droit au capital pour tous. Détruire aujourd'hui la propriété, c'est tuer l'avenir des travailleurs. Leur arracher leur droit le plus sacré, le droit à la famille. Car à quoi bon travailler si on ne peut rien laisser à ses enfants? Supprimer la propriété, et vous n'aurez plus que des troupeaux de mâles et de femelles dont le seul idéal sera de boire, de manger, de se reproduire au hasard, et dont les petits seront élevés dans les haras de l'État. Je mourrai avant de voir la civilisation française dont le monde ne peut pas se passer ramenée au niveau matérialiste d'un cheptel à face humaine, fasciné par un chiffon rouge. Alors vous me prenez pour une brute? Non, Blanqui, non, vous avez un front d'apôtre. L'injustice d'une société de rapaces vous a transformé par la souffrance, mais vous êtes bon et juste au fond de l'âme, et vous vous retrouverez tel que vous êtes le jour où justice vous sera rendue. Eh bien, ce jour est venu. Je vous rends cette justice. Je vous supplie de l'accepter. Je vous demande d'avoir pitié de moi, Blanqui. Et de vous-même. N'ayons pas sur nous le sang du peuple. Que la France ne puisse jamais nous reprocher d'avoir fait couler le sang français. Ne laissons pas notre propre sang mêlé au sang de la France sur cette page d'histoire que nous sommes en train d'écrire ensemble. Pitié, Blanqui. Pitié pour le peuple. Pitié pour moi, pour vous, pour l'histoire. L'histoire est plus forte que nous. Mais l'histoire, c'est nous qui la faisons. Essayons. Ah, voilà enfin une parole virile, Blanqui. Faisons ensemble une révolution d'hommes. Essayons, je ne dis rien de plus. Il y a des choses qui nous dépassent. Oui, une seule, Dieu. Je compte sur vous. Je reviendrai vous voir. Nous recoserons. Mais ma porte vous est ouverte, Blanqui. Elle vous sera toujours ouverte. À bientôt. Peut-être. Ma porte vous sera toujours ouverte. Eh bien, non. Rien n'a de prise sur Auguste Blanqui. Le 16 avril, le gouvernement est encore une fois menacé d'une tentative de prise du pouvoir. L'approche des élections enfiévre les clubs. Ils veulent tout essayer avant l'énorme rassemblement des Français autour des urnes. Enfin, l'aube du salut se leva sur la France avec le jour des élections générales. Ce fut le jour de Pâques, 27 avril. 10 départements ont élu Lamartine. Ils remportent près de 2 300 000 suffrages. Le jour de Pâques était bien choisi. Le jour de l'ouverture de l'Assemblée constituante de la Deuxième République fut moins heureux. C'était le 4 mai, anniversaire de l'ouverture des États généraux à Versailles. Funeste présage pour le gouvernement. Lamartine est à la tribune. Nous vous remettons nos pouvoirs. Nous remettons avec confiance aussi à votre jugement tous nos actes. Nous vous prions seulement de vous reporter au temps et de nous tenir compte des difficultés. Notre conscience ne nous reproche rien comme intention. La Providence à favoriser nos efforts. Amnistier notre dictature involontaire. Nous ne demandons qu'à rentrer dans les rangs des bons citoyens. L'Assemblée cherche surtout un chef d'État. Lamartine est tout désigné. Il a une majorité écrasante à l'Assemblée. Lamartine refuse le pouvoir suprême. Il opte pour une formation réunissant les principaux noms de l'ancien gouvernement provisoire. Lamartine, Ledru-Rollin, Garnier-Pagès, Marie, Arago. Ses meilleurs amis l'adjurent d'y renoncer. Il écrit, dans l'histoire de la Révolution de 1848, Lamartine n'ignorait pas qu'un gouvernement collectif pressé entre les impatiences naturelles de l'Assemblée et les résistances séditieuses du peuple n'était qu'un expédient temporaire, bientôt usé et répudié par tous les partis. Mais cet expédient était le seul qui put amortir les chocs entre la représentation et le peuple de Paris et donner du temps à la reconstitution des forces et des moyens de salut. Le prix qu'il donna pour acheter ce temps, ce fut lui-même. Il ne s'en repentit jamais, malgré le jugement universellement contraire qu'on porta sur sa conduite. L'Assemblée le paye immédiatement. Le scrutin est dépouillé le 10 mai. Citoyen Arago, 725 suffrages. Citoyen Garnier-Pagès, 715 suffrages. Citoyen Marie, 702 suffrages. Citoyen Lamartine, 643 suffrages. Citoyen Levrue-Rollin, 458 suffrages. Fraissinet écrit. Alors qu'il aurait dû, et de beaucoup, arriver en tête de la liste, il ne fut que l'avant-dernier. De ce scrutin, Lamartine sortait affaibli et Ledru-Rollin aigri. La population parisienne ne pardonna pas l'offense faite à celui qui avait été son élu préféré et qu'elle avait si souvent acclamé, à celui que 9 départements venaient de nommer, le désignant ainsi pour le premier rang. De ce jour, flottèrent dans l'air des bruits de manifestation contre l'Assemblée. Chacun maintenant pressent le dernier acte, la catastrophe. Chargé par l'Assemblée d'un pouvoir indécis, faible et vacillant, la commission exécutive siégeant au Luxembourg est tenue de fournir immédiatement une réponse à la question posée par l'Assemblée et d'y répondre avec décision, force et fermeté. Comment allez-vous nous débarrasser des ateliers nationaux ? Le 15 mai, sous prétexte d'une pétition exigeant la déclaration immédiate de la guerre à la Russie pour la libération de la Pologne, les 120 000 des ateliers nationaux, à Sailles, les 900 du Palais Bourbon, les insultent, les suffoquent dans les cris et la poussière et promènent Louis Blanc en triomphe. Les 5, c'est-à-dire Lamartine et Ledru-Rollin, montent à cheval, délivrent l'Assemblée et galopent sur l'itinéraire de Barras au 9 Thermidor pour s'emparer de l'hôtel de ville où l'on est en train de constituer un comité de salut public où figurent des gens qui ne savent même pas qu'ils en font partie. Le rassemblement dissipé sans difficulté, Lamartine et Ledru-Rollin font conduire les meneurs, dont Blanqui, à Vincennes. Donc, le 15 mai, les 5 ont défendu et protégé les 900. Il s'agit maintenant de protéger et défendre les 120 000. Le gouvernement provisoire, en alimentant cette masse d'indigence pendant le chômage de 4 mois d'une multitude industrielle accumulée dans une capitale en feu, n'avait jamais eu, comme on l'a cru, la pensée d'en faire une institution. Ce n'était pas une institution, c'était un secours. Mais jamais non plus le gouvernement provisoire ne s'était dissimulé que le jour où il faudrait transformer cette institution temporaire, dissoudre ce bloc, déverser cette masse inoccupée, impérieuse et soldée sur d'autres parties du territoire et sur des travaux réels, il y aurait une résistance, un conflit, une sédition formidable, peut-être du sang répandu. Les ateliers nationaux sont dissous. La révolte éclate le 23 juin à 7 heures du matin. Loin d'être assaillant, Cavaignac est partout tenu en échec. Ses maigres effectifs fondent. À 4 heures de l'après-midi, Cavaignac décide de cesser le combat, d'attendre le lendemain matin pour reprendre les hostilités. Il y a déjà beaucoup de barricades. On craint même pour le Palais Bourbon, à proximité duquel se tient la commission exécutive, dans l'hôtel de la présidence. Lamartine, qui ne peut plus réprimer sa colère devant l'inertie de Cavaignac, alors au château d'eau, près du palais royal, vient le sommet de lui permettre d'enlever l'énorme barricade du temple. Et Lamartine, le ministre des Finances Duclerc, quelques députés dont Pierre Bonaparte, le fils de Lucien, le républicain de la famille auquel Lamartine prête un de ses chevaux qui sera tué, partent à l'assaut, à la tête des mobiles et de la ligne, au cri de « Vive la République !» Pendant ce combat de plus de 3 quarts d'heure, Lamartine, accablé sous le poids du sang versé, qu'inévitablement et injustement on va lui reprocher, tente à plusieurs reprises de sauter de son cheval pour aller se faire tuer avec ses mobiles et les soldats de la ligne. On l'en empêche. Enfin, la redoute est emportée. Cette partielle victoire a coûté 400 morts aux républicains. Avant d'aller rejoindre Cavaignac au château d'eau, sur son cheval blessé, Lamartine parcourt le quartier. Ses gamins de la mobile le reconnaissent. Debout, les hommes. Là, le patron. Non, non, ne bougez pas. Garde mobile. La République vous remercie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Venez que je vous serre la main. Vous vous êtes battu comme des hommes. Vous étiez soulevé du sol par l'esprit d'Austerlitz. On a fait ce qu'on a pu, monsieur. Bonjour, citoyen Lamartine. Vous avez l'air fatigué, vous aussi, monsieur. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes blessé? Oh non. C'est rien que ça qu'on se repose. Les officiers, ils sont allés se rafraîchir. Et nous, on attend qu'on va venir nous porter un coup à boire, pareil. C'était dur, cette barricade, hein? Oh, les carnes. Surtout au commencement. La troupe, elle nous traite de voyous. Elle nous laisse devant. Les autres derrière, ils nous ont senti de parole avant que de nous tirer dessus. Vous allez voir, fils de curé! Ah oui. On aura la belle! On vous la fera baver! On vous coupera la tête, le poignet! On vous sciera entre deux plans! On vous lavera la gueule au vitriol! Oui, c'est une guerre effroyable. Ben oui. C'est pas comme en février. En février, on rigolait. Aujourd'hui, plus pareil. À preuve, faut voir le raisiné. C'est plein de mecs à la barrière. Ce skate souteneur qui pique le bourgeois avec un lingue pour y tirer sa toquante. Faut voir les pierreuses qui sont avec eux. Mais ce n'est pas le peuple, c'est la pègre. Si, il y a aussi du peuple. Il y en a plein. Vous avez eu beaucoup de blessés, mes pauvres enfants. Des morts aussi. Notamment Bruno. C'était mon copain. On s'est élevé ensemble rue du Fer à Moulin. On allait voir les Maccabées à la morgue pour rigoler. Bon, bah, le v'là qui va y être à la morgue maintenant, Bruno. Bah, va pas renifler. On le vengera. Et quel âge avait-il? 15 ans, comme moi. Honneur à lui. Il est mort pour la République. La République s'en souvient. On fera pas de prisonniers. Mais non! Non, conduisez-vous en républicain, ramassez les blessés et protégez les prisonniers. Je compte sur vous. Bah, on s'est trop bête, alors. Une fois qu'on attaquait... En voilà qui lève les fusils, les bras, on s'approche. Et ah ! Feu de salve. Les autres de la barricade, le nez sur les pavés. Deux de nous autres avec. Ils ont des brigadiers qui sont embusqués dans les étages. C'est comme toujours. Ils tirent aussi bien sur la troupe que sur l'homme qui fait mine de se rendre et sur le blessé. Ils tiraient sur leur mère, sur l'archevêque de Paris. C'est tous les chefs qui étaient aux ateliers, qui gardaient la paye des hommes... Et qui s'en allait débaucher l'ouvrier pour le traîner avec eux, y faire faire la révolution à Blanqui. C'est même pas des ouvriers. Ça travaille jamais, ça met des blouses neuves, des casquettes en velours. C'est toujours à chercher des raisons à tout le monde, nous on les connaît. Ah. Tu es gravement blessé, toi, ton pansement est tout rouge. Ah non, non, c'est rien. On va t'évacuer sur l'ambulance, je vais demander à tes officiers de te faire relever. Lieutenant. Ah non, non, monsieur Lamartine, non, je veux rester avec les camarades. Mais tu peux pas continuer à saigner comme ça. Mais c'est rien, c'est rien, je veux pas m'en aller, je veux rester avec les camarades. Faut rester ensemble. La troupe nous soutient pas. Faut nous soutenir entre nous. Mais si! Mais si la troupe vous soutient! Elle vous admire, n'allez pas vous imaginer. On s'imagine pas, on sait. On est des ouvriers. On n'a pas confiance en nous. Soi-disant qu'on sait pas bien saluer leur officier, hein? Qu'on attend que le moment de mettre la crosse en l'air comme au Palais Bourbon, jour de la manifestation. Qu'on aurait laissé entrer des drapeaux rouges. Et qu'on passera de l'autre bord avant la fin. C'est pas vrai, on n'y passera pas. Mais je le sais bien. Vous? Bien sûr que non. C'est pas notre patron qui va douter de nous. C'est les autres. Nous, on défendra la République jusqu'à la fin. Ils vont voir. Nous, on l'aime, la République. On était que des vauriens, on aurait mis le feu à Paris. La République a fait de nous des hommes, des soldats. Elle nous a donné l'épaulette et la solde, comme à la troupe. Des officiers qui nous instruisent. On défendra la République. La République, c'est notre mère. On la laissera jamais. La laisser démolir par des arsouilles qui tirent sur le soldat comme sur des pipes à la foire. C'est pas en cassant tout, les boutiques, les maisons, en foutant le feu aux gares, même qu'ils ont des dames jeunes remplies de térébenthine. Ouais. Ouais, monsieur. Pour mettre Paris en flammes, s'ils perdent. Et ils l'ont dit, hein, ils l'ont juré. C'est leur mot d'ordre. Mais pourquoi on se bat plus maintenant, monsieur? Qu'est-ce qu'on attend? La troupe est fatiguée. On reprendra demain matin. Demain matin? Mais quoi alors, mais on va les laisser monter des barricades partout. Mais qu'est-ce qu'il faut, Cavaignac? Il attend des renforts. Demain, l'assaut sera donné. Mais non, demain, ce sera bien pire. Ils auront soulevé tout le peuple en lui disant que c'est la lutte finale, qu'il n'y a plus de pardon, qu'il faut mourir sur la barricade. Faut terminer tout de suite, monsieur. Tout de suite. Allez donc leur dire, vous, dans le faubourg, que c'est en se mettant avec les rouges qu'ils se font leur misère, que la République leur donnera du travail, que la République leur pardonnera. Ils savent pas, là-dedans, ils se demandent, ils sont dans la rue. Ah, si seulement y aller. On les ferait rentrer coucher, mais ils vont rester sur pied toute la nuit, là, et demain matin, ils sauront plus ce qu'ils feront, et ils se mettront sur la barricade. Ça sera pire qu'aujourd'hui, où on s'est massacré partout. Mais je le sais. Je le sais bien. Je le sais aussi bien que vous. C'est un coup pour trahir la République. Vous laissez pas faire, monsieur. Vous laissez pas faire. Foutez tout ça dehors. Faites comme en février. Causez au peuple. Commandez tout. Lamartine, accompagné de Duclerc et d'un garde national, a franchi la ligne des avant-postes. Il est sur le boulevard de la Bastille, au milieu d'une foule armée et indécise. Pourquoi ces fusils? Vous voulez donc vous battre contre la République? On est des ouvriers, citoyens. Ouais. Les ouvriers se battent dans tout Paris. On est des ouvriers, on doit marcher avec les camarades. Il y en a déjà beaucoup qui se sont fait massacrer. Mais ils ont ouvert le feu! Pourquoi ont-ils attaqué la République? La République n'est pas Louis-Philippe, la République c'est eux! C'est vous, la République! Non, celle-là c'est pas nous. Celle-là du Palais Bourbon, elle ôte le pain de la bouche à l'ouvrier. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais voyons, mes amis, regardez toutes ces boutiques fermées et ces magasins, les volets clos, pas de voitures dans les rues, regardez tout ça! Est-ce que vous croyez que la barricade va vous donner du pain et du travail? Voyons, réfléchissez! On se demande... Quoi? Mais vous allez monter sur la barricade pour tuer des soldats, des mobiles, des gardes nationaux. Mais ce sont vos frères, vos enfants, vos concitoyens. Oui, mais on y est forcé. Forcé? Forcé par qui? Vous êtes des hommes libres. N'écoutez pas des meneurs qui, depuis 4 mois, vous poussent en avant pour prendre le pouvoir, qui ne seront jamais capables de gouverner la République et qui finiront par déclarer la guerre à toute l'Europe. Oui, la guerre. On dit ça. Et puis autant mourir d'un boulet que de mourir de faim, c'est plus vite fait. Pourquoi qu'on a fait venir ce garde d'assemblée? On n'en avait pas besoin. Mais vous ne mourrez pas de faim, la République ne vous laissera pas mourir de faim. On vous ment, on vous trompe. Alors, pourquoi qu'on a fermé les ateliers? Laissez-moi passer. Je vais y dire, moi, au citoyen Lamartine. Oui, il va vous dire, celui-là, c'est un de la Normandie. On veut nous faire quitter Paris comme des vagabonds. On n'est pas des bandits, on est des pauvres travailleurs qui cherchent que du travail. On est des honnêtes gens. Si on est venu, c'est qu'on pouvait plus trouver d'embauche à Rouen. Alors, c'est pas un crime? On va tout de même pas nous envoyer casser les cailloux sur les routes parce qu'on est venu à Paris, quoi! Assez de rire! À bas la Martine! À mort l'endormeur du Laisse-nous tranquille, Martine! N'écoutez pas, citoyens, on pense pas comme lui! Non, on pense pas comme cet homme-là. On vous connaît, on vous aime bien. Voilà, je vous apporte des fleurs. C'est le peuple qui vous remercie, monsieur Lamartine. Oui, c'est vrai. J'aime bien. Alors pourquoi me faites-vous de la peine en attaquant la République que nous avons proclamée tous ensemble? Mais si, c'est la même. Non, citoyen Lamartine. Avant, quand c'était vous, le gouvernement, on allait vous voir, on vous parlait. Vous aussi, vous nous parliez. Même quand on gueulait, pour dire, on était quand même contents. On rentrait, on se disait, on s'est empoigné avec le gouvernement. Maintenant, c'est fini. C'est les mêmes députés qu'autant de Louis-Philippe. Ouais. Ça pense qu'à s'enrichir en exploitant le peuple. Ça nous traite de feignants. C'est eux les feignants. Nous, on demande du travail. Rien que du travail. Faire manger nos femmes et nos mioches. On ne demande pas la charité. On n'est pas des mendiants. Pourquoi que vous êtes partis, citoyen Lamartine? Lamartine n'a jamais été pour le peuple. Oh, c'est Lamartine qui fait fusiller le peuple. Oh, ouais, là-bas, toi, il là-bas. Était tout à l'heure avec les mobiles pour assassiner le peuple. Je suis toujours là et jusqu'à ma dernière goutte de sang, je défendrai la République, comme je l'ai toujours défendue depuis que Paris l'a proclamée. Les mobiles sont comme vous, des enfants du peuple, et en défendant la République, c'est leur mère qu'ils défendent. Vous devriez tous faire comme eux. Vous devriez désarmer cet homme qui ne porte un fusil que pour tuer l'avenir du peuple. L'avenir du peuple est dans le travail, et on vous donnera du travail. L'avenir du peuple est dans la fraternité, et vous tirez sur vos frères. Non, non, c'est pas vrai, on n'a pas été aux barricades. Eh bien, n'y allez pas. N'y allez pas. Je vous le demande encore une fois, désarmez vos frères qui veulent se battre contre la République. Non, je ne quitterai pas mon fusil tant que l'Assemblée n'aura pas voté du pain pour le peuple, qui ne travaille plus depuis 4 mois. Et personne ne vous refuse du pain, les secours sont toujours et seront toujours distribués aux chômeurs. Je vous l'affirme, citoyen, les secours ne sont pas supprimés. C'est le ministre des Finances qui vous parle, citoyen. On le croirait, si c'était vous le gouvernement, citoyen Lamartine. Mais les bourgeois du palais Bourbon, on n'y croit pas. Fini. Les députés sont contre nous. Ils veulent nous mettre dehors. C'est eux qui ont commencé. Forcez que le peuple réponde. Ils ont fermé les ateliers. On fermera l'Assemblée. Mais enfin, je vous répète que je suis toujours au gouvernement. Oh, c'est plus pareil. Mais Paris n'est pas la France. Paris n'a pas le droit de chasser les représentants du peuple français, élus par le suffrage universel. Mais c'est les mêmes que du temps de Guizot. Faut qu'ils s'en aillent. Citoyens, les secours que vous donne la République sont versés par les contribuables de toute la France. Ne l'oubliez pas. Et puis après, on ne demande pas de secours, on demande du travail. Eh bien, ne le demandez pas les armes à la main. Je vous en conjure pour la dernière fois. N'attaquez pas l'Assemblée élu librement par tous les Français, paysans, bourgeois, ouvriers. C'est un crime. Pensez que les départements sont debout, eux aussi, et qu'ils viendront défendre leurs députés. Vous ne serez pas les vainqueurs de toute la France. Pensez-y bien. La France ne se laissera pas dominer par des Parisiens égarés que des criminels conduisent à leur perte. Réfléchissez. Le drapeau rouge n'est pas le drapeau de la France. C'est le drapeau d'une secte dominée par des étrangers qui, après vous avoir conduit dans l'abîme, s'enfuiront pour mettre le désordre ailleurs parce qu'ils n'ont pas de patrie. Laissez-moi passer. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Restez avec nous, citoyen Lamartine. Restez avec nous. Ne nous abandonnez pas. Faut un gouvernement. Si on avait confiance, si vous étiez toujours là, on désarmerait. Alors ne nous abandonnez pas, citoyens. Allez, vive la Martine. Oui. Vive la Martine. Vive la Martine. Tel était l'aspect de ce peuple que la nuit, faute de troupes pour occuper ses quartiers, allait jeter tout entier dans l'insurrection. Partagé entre le désespoir et la colère, toujours sur son cheval blessé, Lamartine rejoint encore une fois Cavaignac. Cavaignac affirme une fois de plus qu'il n'a pas de troupes et qu'il est obligé de suspendre les combats jusqu'au lendemain matin. Aura-t-il alors suffisamment d'hommes pour la lutte? Non, il n'en est même pas sûr. Voyant cela, Lamartine, enlevant à Cavaignac une partie de ses pouvoirs militaires, revient bride abattue au ministère de l'Intérieur ou avec Ledru-Rollin pendant toute la nuit. Ils vont envoyer des télégrammes dans la banlieue et dans les départements proches de Paris pour faire venir d'urgence la garde nationale mobile. Pendant toute la nuit, dans toutes les gares de Paris, les trains déversent les mobiles des départements, des roses aux fusils. Le lendemain matin, le palais Bourbon est de plus en plus menacé. Des députés affolés se rencontrent dans les bureaux de la présidence où se tiennent les membres de la commission exécutive. Victor Hugo, député à l'Assemblée, est là. Lamartine, pâle, défait, la barbe longue, les vêtements poudreux, le voit, vient vers lui. Ah, bonjour, Hugo. Où en sommes-nous, Lamartine ? Nous sommes foutus, Hugo. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que dans un quart d'heure, l'assemblée sera envahie. Ils sont dans la rue de Lille, messieurs. Ah, je crois que nous avons un peloton de cavalerie, rue de Lille. Non ? Oui. J'espère. Et comment, Lamartine ? Et les troupes de la défense de Paris ? Il n'y en a pas. C'est un petit détachement d'insurgés. Probablement. Il n'y a pas de troupes ? Mais vous m'avez dit mercredi et répété hier que vous aviez 60 000 hommes. Je le croyais. Comment vous le croyez ? Vous vous êtes borné à le croire ? Vous ne vous en êtes pas assuré, vous, gouvernement ? Que voulez-vous ? Eh bien, mais on ne s'abandonne pas ainsi. Ce n'est pas vous seulement qui êtes en jeu, c'est l'Assemblée. Ce n'est pas seulement l'Assemblée, c'est la France. Ce n'est pas seulement la France, mais c'est la civilisation tout entière. Voilà ce que vous perdez dans une partie mal jouée. Et oui, évidemment, quelqu'un triche. Pourquoi n'avoir pas donné hier des ordres pour faire venir les garnisons des villes dans un rayon de 40 lieues ? Ça nous ferait tout de suite 30 000 hommes. Mais Hugo, nous avons donné les ordres. Eh bien ? Les troupes ne viennent pas. Oh, ça mais quelqu'un trahit ici. Je ne suis pas ministre de la guerre. Ça y est, l'état de siège est voté. L'état de siège ? Voté, c'était urgent. Ah, l'état de siège. Patrouille et perquisition. Allons ! Faites si vous croyez ça nécessaire. Moi, je ne dis rien. Hugo. Enfin. Hugo, ne me jugez pas trop vite. Je ne suis pas ministre de la guerre. La démission, tout de suite. Lamartine, venez-nous ici. Venez écouter ça. Oui, je viens, Le Dru. Adieu, Hugo. N'oubliez pas ceci. Ne me jugez pas trop vite. Je ne suis pas ministre de la guerre. Si vous ne croyez pas, messieurs, que nous n'en avons pas assez et plus qu'assez du pouvoir, vous vous trompez. Moi, je suis malade, je n'en peux plus. Nous n'en pouvons plus, tous. Nous restons parce que c'est notre devoir. Pas pour notre plaisir, croyez-le. Nous sommes abreuvés d'insultes par tout le monde. Rendus responsables des fautes, des inepties, des incapacités et des trahisons de tous. Ce n'est pas le pouvoir, l'ambition du pouvoir qui nous cloue au Luxembourg. C'est la nécessité qui nous enchaîne depuis 4 mois. Mais oui. Nous avons passé la nuit debout avec Lamartine. A donné des ordres qu'il fallait donner parce que ceux dont c'était le devoir. Le Dru, mesurez vos paroles, vous attaquez un homme qui a la confiance de tous les partis. Ah, la confiance des partis, la reconnaissance du peuple, baliverne. Lamartine, savez-vous ce qu'on nous demande ? Oui, notre démission collective en pleine bataille. Impossible. Ah ! Nous n'acceptons pas, vous non plus. Nous sommes unanimes. Nous sommes le gouvernement provisoire du 24 février 1848. Instauré au milieu des baïonnettes, nous n'allons pas nous évanouir devant une assemblée épouvantée. Que l'assemblée ait le courage de nous démettre. Qu'elle prenne ses responsabilités. Nous n'avons jamais reculé devant les nôtres. Soit. L'assemblée prendra la décision. Rendons la destitution. Elle prend la décision de remettre les pleins pouvoirs au général Eugène Cavaignac, l'investissant d'une confiance totale au moment où Lamartine a cessé de croire en lui. Cavaignac, eh bien, rédigeons notre démission. Citoyens représentants, la commission du pouvoir exécutif aurait manqué à la fois à ses devoirs et à son honneur en se retirant devant une sédition et un péril public. Elle se retire seulement devant un vote de l'Assemblée. En vous remettant le pouvoir dont vous l'aviez investi, elle rentre dans les rangs de l'Assemblée nationale pour se dévouer avec vous au danger commun et au salut de la République. Et je signe pour toute la commission. Vous en avez le droit, Lamartine. L'imagination abdique. La République fraternelle de février tombe sous les coups de fusil et de canon, saigne sous la baïonnette, le sabre, pendant encore 2 longs jours de carnage absurde, inexpiable, où le peuple en uniforme et le peuple en blouse s'entretuent au même cri de « Vive la République !» La République fraternelle est assassinée dans une lutte de classe. Seule victorieuse dans cette guerre impie constamment refusée, contestée et maudite par Lamartine pendant les 4 mois de sa dictature pacifiante, lui qui avait imaginé que l'amour pouvait être la loi constitutionnelle fondamentale d'une jeune République française. Du moins, lorsqu'il mourra à Paris le 28 février 1869, presque à l'anniversaire du jour où il faisait acclamer place de grève l'abolition de la peine de mort en matière politique. Alphonse de Lamartine n'aura pas assez vécu pour voir une seconde fois le cauchemar qu'il avait déjà contemplé des armées étrangères occupant Paris et, dans le soleil de mai, des Français fusillant des Français. Dieu a eu pitié du vieux poète pauvre et délaissé. Il est mort avant que le cri de la haine soit venu encore une fois abattre et déchirer le drapeau de la révolution d'amour et de paix qu'il avait élevé en 1848 au-dessus de Paris et du monde. Vous venez d'entendre « Le drapeau de la République » Alphonse de Lamartine en 1848 par Denise Santor avec Jean-Jacques Eslanian, Guy Bousquet, Jean Brassat, Jacques Bretonnière, Pierre Constant, Pierre Delbon, Jacques Fayet, Françoise Fechter, Gaëtan Jor, Jean-Pierre Lituac, Philippe Moreau, Dominique Morin, Robert Parti, Jean Péméja, Jean-Jacques Stein. Et le concours des élèves du Centre dramatique de la Rue Blanche, avec Bernadette Lange, la récitante, et Jean Topard, Alphonse de Lamartine. Chef opérateur du son, Daniel Tourcière. Collaboration technique, Bernard Charon et Noémie Louis-Marie. Bruitage, Louis Matabon. Assistante, Françoise Charlotte Mahé. Réalisation, Alain Barou. C'était Le Drapeau de la République, un programme diffusé pour la première fois le 8 mai 1969 sur France Culture. À retrouver en podcast et en réécoute pour toujours sur franceculture.fr.